Quatrième partie, chapitre 6, dixième section, les indulgences. Qu'est-ce que l'indulgence? L'indulgence est la rémission de la peine temporelle due au péché déjà pardonné quant à la faute, rémission que l'Église nous accorde en dehors du sacrement de pénitence. De qui l'Église a-t-elle reçu le pouvoir d'accorder les indulgences? L'Église a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d'accorder les indulgences. Comment l'Église nous remet-elle la peine temporelle par les indulgences? L'Église nous remet la peine temporelle par les indulgences en nous appliquant les satisfactions surabondantes de Jésus-Christ, de la très sainte Vierge et des saints, qui forment ce qu'on appelle le trésor de l'Église. Qui a le pouvoir d'accorder les indulgences? Le pouvoir d'accorder les indulgences appartient au pape seul pour toute l'Église et à l'évêque dans son diocèse, dans la mesure où le pape le lui a concédé. Combien y a-t-il d'espèces d'indulgence? Il y a deux espèces d'indulgence, l'indulgence plénière et l'indulgence partielle. Qu'est-ce que l'indulgence plénière? L'indulgence plénière est celle qui remet toute la peine temporelle due pour nos péchés. Si donc quelqu'un mourait après avoir reçu cette indulgence, il irait tout droit au paradis, échappant absolument aux peines du purgatoire. Qu'est-ce que l'indulgence partielle? L'indulgence partielle est celle qui ne remet qu'une partie de la peine temporelle due pour nos péchés. Qu'entend faire l'Église en accordant les indulgences? En accordant les indulgences, l'Église entend venir en aide à notre incapacité d'expier en ce monde toute la peine temporelle, en nous faisant obtenir par des œuvres de piété et de charité chrétienne ce que, dans les premiers siècles, elle faisait obtenir par la rigueur des canons pénitentiels. Qu'entend-on par indulgence de 40 jours, de 100 jours, de 7 ans, et autres expressions semblables? Par indulgence de 40 jours, de 100 jours, de 7 ans et autres expressions semblables, on entend la rémission de la peine temporelle qu'on aurait obtenue par 40 jours, 100 jours, 7 ans de la pénitence publique établie anciennement dans l'Église. Quel cas devons-nous faire des indulgences? Nous devons faire un très grand cas des indulgences, parce que par elles, on satisfait à la justice de Dieu et on obtient plus vite et plus facilement la possession du ciel. Quelles sont les conditions requises pour gagner les indulgences? Les conditions requises pour gagner les indulgences sont: premièrement, l'état de grâce, au moins dans la dernière des œuvres qu'on accomplit, et l'exemption même des péchés véniels dont on veut effacer la peine. Deuxièmement, l'accomplissement des œuvres que prescrit l'Église pour obtenir l'indulgence. Troisièmement, l'intention de la gagner. Les indulgences peuvent-elles aussi être appliquées aux âmes du purgatoire? Oui, les indulgences peuvent être appliquées aux âmes du purgatoire, quand celui qui les accorde déclare qu'on peut les leur appliquer. Qu'est-ce que le jubilé? Le jubilé, concédé ordinairement tous les 25 ans, est une indulgence plénière à laquelle sont joints beaucoup de privilèges et de concessions particulières, comme de pouvoir obtenir l'absolution de certains péchés réservés et des censures, et la commutation de certains vœux.